La garderie sportive Les Petits Champions vous offre un milieu de vie adapté à vos horaires 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Notre devise, un esprit sain dans un corps sain. Vos bouts de choux pourront s'amuser toute la journée et bouger puisqu'ils auront accès à un grand gymnase. Vous avez besoin d'un petit répit? Pour quelques heures, de jour comme de nuit, de semaine ou de fin de semaine, profitez du service de garde occasionnel disponible pour les 0 à 12 ans à partir de 4,10 $ de l'heure. Informez-vous sur petitchampion.com. Les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Je sais pas si vous avez déjà remarqué, j'essaie toujours de siffler en même temps que le sifflement de notre musique de présentation, d'introduction, mais ça marche pas. Ça sert plutôt d'exercice pour la diction par la suite de tenter de siffler. Alors, bienvenue Jean Cloutier ici, vous êtes bien au Grain de Sable et il y a Dominique Bernier avec nous en studio. Merci Dominique d'être là avec nous. Bonjour Jean. Alors aujourd'hui, une journée quand même assez chargée. Autant on a parlé la semaine dernière du budget provincial de l'État du Québec, ben autant on se sent quand même obligé de vous faire un petit rappel, pas trop en détail, on va pas trop vous achaler avec ça, mais un rappel sur le budget fédéral. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec ce premier budget du gouvernement Trudeau? On abordera aussi les primaires américaines, bien sûr. On a tous entendu parler de ce qui se passe chez nos voisins du Sud. C'est quand même important de parler de cette année électorale présidentielle où il y a des forces, il y a un clivage vraiment important entre ce qui pourrait être la représentante des démocrates, Hillary Clinton, très connue, et de l'autre côté du spectre, chez les Républicains, M. Donald Trump. S'il y a des différences à expliquer, bon, on vous donnera notre vision des choses. Évidemment, M. Sanders est présent dans le débat. C'est pas encore terminé du côté des démocrates. Non. Mais du côté républicain, ça semble vraiment se cristalliser aux alentours de Trump contre Trump. On en reparlera. Et évidemment, je ne vais pas passer sous silence, puisque c'est grâce à mon affiliation à CKRL comme journaliste, et j'ai jamais été aussi, comment dire, sensibilisé à ma formation de journaliste que lorsque j'ai participé à la conférence de presse de Marine Le Pen. Beaucoup de mes amis m'ont vu en me disant « Jean, qu'est-ce que tu faisais là? » Ben écoute, comme journaliste et animateur, réalisateur d'une émission comme Grain de Sable, je me faisais un devoir d'aller voir de mes propres yeux, entendre de mes propres oreilles ce qui justifiait la venue de Marine Le Pen, ou Marion Le Pen, dirait son père, Jean-Marie Le Pen, parce que son vrai nom, c'est Marion. Et elle est devenue Marine au cours des années. Et vraiment, je suis content d'y avoir été pour pouvoir comprendre ce quiproquo qu'elle peut créer lorsqu'elle se présente avec un discours bien écrit. D'ailleurs, j'en lirai quelques extraits tout à l'heure, si vous le voulez bien, pour vous montrer les raisons qu'elle donnait pour sa venue, parce que ça a été complètement sculpté dans les médias. Bien sûr que quand on a une Le Pen devant nous, on a le goût de parler d'immigration, mais aussi bizarre ça puisse paraître, dans son discours de présentation, qui était quand même assez long, plusieurs pages, très étoffé, elle était venue nous parler de francophonie, d'union commerciale entre pays francophones, et de vanter en ce jour du 20 mars, le jour international de la francophonie. Elle est venue nous parler de francophonie, mais vous comprendrez que les journalistes présents ont plutôt préféré lui parler d'autre chose et non pas de son agenda politique, alors qu'elle est venue ici officiellement comme députée européenne élu, dûment élu, là, avec son parti qui a gagné, dit-elle, les trois dernières élections en France, les élections régionales, qu'il y a eu en décembre. D'ailleurs, j'étais sur place et j'ai bien vu le phénomène d'apeurement, si le mot existe, qui se crée dans les médias lorsque le Front National gagne des élections régionales. Ils avaient gagné plusieurs élections municipales auparavant et des élections à d'autres niveaux. Et évidemment, elle est présidentielle, cette Marine Le Pen, chef du Front National, anciennement Ordre Nouveau. Donc, le vrai nom, je pense, c'est Front National pour un Ordre Nouveau. Mais on n'est pas ici pour vous faire un cours de sciences politiques, mais plutôt de vous parler effectivement des phénomènes de la semaine, puisqu'on est une émission en direct. Alors, si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours appeler, mais appelez-nous quand on met de la musique ou quand on met de la publicité pour qu'on puisse vous répondre et puis réagir à vos propos, tout comme vous pouvez le faire sur notre blog que je vous invite à voir. Et d'ailleurs, Dominique me faisait remarquer que sur notre blog, on indique que l'émission est à midi, de midi à une heure. Alors, peut-être que oui, vous pouvez écouter l'émission à partir de notre blog entre midi et une heure, mais l'émission de la semaine d'avant, parce que nous, on commence à 13h, c'est en direct. Alors, je veux absolument vous parler du 75e anniversaire de la revue Relations. La deuxième revue de cette édition spéciale sur Troyes vient de sortir. Et je voulais vous lire un extrait de cette revue sur le titre « La résistance impérative de notre temps ». D'ailleurs, on en avait parlé avec la rédactrice en chef adjointe, Catherine Caron, il y a quelques semaines, que cette deuxième revue arrivait. Donc, ceux qui sont abonnés à la revue Relations, depuis 75 ans, on vous salue. Mais c'est une revue que, je pense, on doit absolument faire référence dans le genre d'émission comme la nôtre, puisque la revue Relations est publiée par le Centre Justice et Foi, qui est un centre d'analyse sociale progressiste fondé et soutenu par les Jésuites du Québec, on dira bien avant les 75 ans de cette version de revue Relations, qui œuvre en fait à la promotion d'une société juste et solidaire en prenant parti pour les exclus et les plus démunis, libre et indépendante, ce qui est très rare ces temps-ci dans les médias que vous connaissez. Il n'y a que CKRL ou d'autres radios communautaires où vous pouvez vraiment être convaincu que lorsque nous, on s'exprime, quand Dominique Bernier s'exprime et Jean-Cloutier s'exprime ici, eh bien, on n'a pas de patron qui nous critique, sauf quand on met pas assez de musique. C'est ça, une radio culturelle comme CKRL. D'ailleurs, si vous voulez garder la radio CKRL, vous le savez très bien, je suis pas le premier à vous le dire, qu'on est en pré-radioton, c'est le temps de renouveler votre carte de membre et de venir nous voir la semaine prochaine. On n'aura pas d'émission Grain de sable, mais moi, je serai sur place. Si vous voulez venir nous rencontrer puis payer votre membership pour que l'émission puisse continuer, eh bien, ça sera le temps de le faire. Et je vous rappelle que la revue Relations est libre et indépendante. Elle pose un regard critique sur les enjeux sociaux, économiques, politiques et religieux de notre époque. Et je vous invite donc à lire le texte de Catherine Caron, Chaîne d'espoir. Et on essaie de couvrir l'actualité aussi dans cette revue. Évidemment, on vous parle de Justin Enlisé. On fait référence ici au premier ministre du Canada. Il y a des textes qui concernent le changement de cap en Argentine par Dario Rodriguez, un politologue très connu en France, qui nous donne un aperçu du virage à droite qui se passe en Argentine. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on abordera avec Étienne lorsqu'il sera de retour, notre chroniqueur spécialisé ces temps-ci en Amérique latine. Le débat est ouvert. L'économie collaborative au service de qui, avec Yves-Marie Abraham et Émilie Daudet. Des textes très intéressants. On revient aussi sur Laudato si. Vous savez, cette encyclique, cette lettre que le pape François a écrite et qui, pour certains, est vraiment un document d'anthologie. Même David Suzuki, qui fêtait son 80e anniversaire cette semaine, lorsque je l'ai rencontré, il me disait que c'était l'écrit vraiment du siècle, puisqu'on réussit à y ramasser beaucoup de choses qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs. Donc, c'est quelque chose à lire. Eh bien, si vous voulez avoir un petit résumé, faites en cadre d'une table ronde avec Jonathan Durand-Folco, Elisabeth Garand et Louis Rousseau. C'est un texte à lire et beaucoup d'autres lectures que je vous suggère. Mais d'abord, histoire de nous mettre en appétit avec le budget fédéral qu'on abordera avec Dominique dans quelques instants. Chaîne d'espoir, l'éditorial de cette revue numéro 2 du 75e. Les chaînes humaines ont succédé aux casseroles au Québec, pour le moment. Ces chaînes tissent quelque chose de nouveau. Elles mobilisent et souvent, de bon matin, de nouvelles personnes qui n'avaient jamais fait d'action de protestation avant, bien, ces citoyens et citoyennes se tendent la main dans une action commune, rassembleuse, qui transcende d'autres clivages et renforce plusieurs volets. Pendant qu'on exige presque des moins nantis qu'ils disent merci à une élite qui ne cesse de les appauvrir, le mot d'ordre au gouvernement est pourtant « cachons ces surplus qu'on ne saurait voir ». Je vous référence que le budget provincial nous cachait 2 milliards de surplus la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, c'est connu, ceux-ci aideront à constituer l'appât des prochaines élections des baisses d'impôts. Des baisses d'impôts qui ne doivent pas nous tromper davantage que les récents beaux discours du bon docteur Couillard. L'austérité est installée et elle agit comme un termite, dégradant structurellement les services et programmes touchés. La prospérité n'est à l'horizon que pour ceux qui profitent des désastres et des opérations de sabotage pour offrir leurs services lucratifs et privés de préférence. Heureusement, nombre de Québécois et de Québécoises ne sont pas dupes. Ils voient que l'austérité est un plan fumeux et à géométrie plus que variable. Spécialistes et médecins s'enrichissent pendant que la moyenne des salariés s'appauvrit. Comme panier minière, pétrolière et gazière, déclarent des milliards de revenus, mais siphonnent des fonds publics, incluant ceux du fonds vert. Aïe, aïe, aïe. Par ailleurs, en terminant, investir non seulement dans nos services publics, mais aussi dans une transition écologique qui devrait-elle aussi être propulsée par le secteur public, pourrait contribuer à réduire la dette plus efficacement que des compressions à tout va en pleine période de morosité économique. C'est de ces droits dont il est question derrière les chaînes humaines qui se tricotent sur les trottoirs face à un gouvernement qui a pour seul horizon la démocratisation de la société québécoise et son américanisation rampante. Elles sont signes d'espoir à l'aube d'un printemps qui approche. Catherine Caron, c'est excellent. Le fun de lire des gens qui s'expriment bien comme ça. En effet. Justin Enlisé, je ne vous lirai pas le texte au complet, mais je peux vous dire que si le premier ministre Justin Trudeau tente d'en finir avec la réputation d'État pétrolier que traîne le Canada, il a encore beaucoup à faire pour résoudre l'épineuse question des sables bitumineux. Il faut dire que ce texte-là a été écrit avant le budget, mais histoire de faire un lien vers le budget fédéral, Dominique, la délégation canadienne est repartie du sommet de Paris sur le climat avec un accord prometteur en poche. Hein. On a abordé souvent, on était même sur place avec Claude Vaillancourt d'Attaque Québec. Moi-même, comme président des Amis de la Terre, j'ai eu la chance de rencontrer des membres de la délégation. Et évidemment, tout le monde applaudissait que l'engagement était de rester sous la barre des 1,5 Celsius de réchauffement mondial. Les scientifiques conviennent qu'une augmentation moyenne de 2 degrés serait désastreuse, alors que j'avais l'émission le 8e continent cette semaine, Hélène Côté du groupe Ouranos, qui alimente le groupe GIEC, qui sont ceux qui ont créé ces grandes conférences des partis et qui justifient justement qu'il y a un impact humain sur les changements climatiques. On parle que dans les pays nordiques comme chez nous, ça pourrait monter jusqu'à 9 degrés dans le Grand Nord du Québec. Et ici à Québec, on parle plus de 4 degrés, puisque notre nordicité fait en sorte que l'hiver, les extrêmes sont encore pires. Donc la moyenne des moyennes fait que nous, on parle pas de 2 degrés Celsius à l'échelle de Québec, la ville, mais plus de 4 degrés, et qui pourrait monter jusqu'à 9 d'ici 2050. Donc les extrêmes, bonjour et bienvenue. Des tempêtes au mois d'avril, ça sera pas impossible, et des moins 30 non plus en plein mois de mars. Alors, on peut comprendre que les objectifs du Canada, on avait promis à l'époque, Dominique, d'investir 2,65 milliards, donc plus de 2 milliards et demi en 5 ans pour aider les pays en développement à combattre les changements climatiques. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça dans le budget fédéral de cette semaine? Effectivement, Jean, le budget fait quand même une large place à la lutte au changement climatique et à l'aide internationale pour les pays, pour que les pays les plus pauvres puissent y faire face. C'est pas un budget qui est parfait, mais c'est sans doute le budget le plus progressiste qu'on a vu depuis quand même une décennie, je dirais, peut-être davantage. Donc, c'est un budget qui est assez qu'on peut mettre en parallèle avec le budget du Québec et qui détonne en fait par rapport aux choix qui sont faits par le gouvernement Couillard au Québec. Même si on sent que dans le budget, le premier ministre Trudeau ne va pas tout à fait au bout de ses ambitions, afin de ménager sans doute les marchés financiers, de s'assurer de pas être décrié complètement parce qu'il renoue avec le déficit, hein, on le sait, un déficit de 29 milliards de dollars qui est un déficit tout à fait qui pose pas problème dans le contexte actuel, selon la plupart des observateurs. Et d'ailleurs, ça n'affecte pas la fameuse cote de crédit du Canada, que ce déficit. Donc, effectivement, il y a quand même des montants substantiels qui sont alloués à la lutte au changement climatique. Il y a des montants, on parle de je crois, 3,9 milliards. Il y a à peu près l'équivalent qui va être, envoyé en aide pour développer des projets visant à lutter contre les changements climatiques, pour aider en fait les pays du Sud qui ont pas les moyens de mettre en place des mesures permettant de lutter contre les changements climatiques et d'atteindre leurs objectifs. Donc ça, c'est quand même un élément très, très intéressant du budget. Et ça fait plaisir à lire, même si, bon, les mesures ne vont sans doute pas assez loin, ne permettront pas de rompre avec 10 ans de saccage qui a été fait par le gouvernement précédent, disons-le. Le mot est peut-être fort, mais je pense que ça vaut la peine de l'utiliser. Mais il y a quand même, on sent qu'on veut rompre avec cette vision conservatrice et disons, donner l'impression, du moins, que le gouvernement souhaite a une vision beaucoup plus progressiste et souhaite travailler pour le peuple davantage. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a, dans le fond, plusieurs mesures qui visent à, disons, dans le chapitre 1, à aider la classe moyenne, comme le dit le budget. Et là-dedans, ben, il y a beaucoup de mesures pour notamment lutter contre l'endettement étudiant, qui surtout les gens du Canada anglais auxquels font face. C'est sûr que c'est une compétence provinciale ici au Québec, donc à quel point ça va nous affecter, on ne sait pas, mais on sait que c'est un problème encore plus criant là, dans plusieurs provinces canadiennes, en fait, le fait de la question de l'endettement étudiant, parce que les frais de scolarité souvent sont plus élevés dans les autres provinces. Donc, il y a un élément intéressant, c'est d'améliorer l'accès à l'assurance-emploi. Ça se décline en plusieurs mesures. Ça, c'était une revendication de plusieurs groupes. Là, ils vont être, je pense que beaucoup de groupes sont assez contents du pas dans la bonne direction qui est fait qui est proposé par les libéraux, comme de réduire le délai de carence. Le fameux délai de carence de 2 semaines va être réduit à 1 semaine. Donc, c'est toujours ça de pris, hein. On sait que c'est pas facile quand on perd notre emploi de devoir attendre 2 semaines plus le 4 semaines de délai de traitement. Le loyer arrive vite, hein, avant le premier chèque, certainement. Effectivement. Donc, 1 semaine de moins, c'est tout, je pense que c'est toujours ça de pris. Ça permet, le budget aussi fait en sorte que dans certains cas, les prestations vont être prolongées lorsque le chômage est très élevé dans certaines régions précises, prolongées de 5 semaines et voire jusqu'à 20 semaines dans certains cas. Et en plus, il y a vraiment des éléments qui font en sorte aussi que les chômeurs fréquents, si on veut, comme par exemple les travailleurs saisonniers, en général doivent accumuler plus d'heures avant de se requalifier, plus d'heures que les autres, en fait, avant de se requalifier pour avoir droit à l'assurance-emploi, alors que ça va être aboli. C'était une mesure qui avait été mise en place par les conservateurs. Oui, le nombre d'heures avait augmenté. Oui, c'est ça, exactement. Donc, ils reviennent, ils annulent, en fait, plusieurs dispositions qui avaient été mises en place par les conservateurs. La retraite. La retraite qui revient. Je compte déjà les jours que je vais atteindre 65 ans. Oui, la retraite qui revient à 65 ans, ça, c'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très contents d'apprendre ça. Même chose pour le fait de pouvoir toucher des prestations à partir de 60 ans et non 62, là, dans certains cas. Donc, c'est une annulation aussi de mesures qui avaient été mises en place par les conservateurs. Donc, il y a beaucoup d'éléments. En fait, il y a des investissements dans l'infrastructure, dans les infrastructures pour les municipalités, principalement. Mais semble-t-il, ils ont eu moins que ce qu'ils attendaient. C'est sûr qu'il y avait des demandes pour des milliards, des milliards, des milliards, mais s'en est tenu au transport collectif, je pense. Le transport collectif, mais aussi l'assainissement des eaux et les infrastructures d'eau potable aussi. C'est quand même important parce qu'on sait que les installations sont vétustes dans plusieurs villes canadiennes, notamment bon, à Montréal. Ici, à Québec, on n'est pas si mal lotis, paraît-il, côté infrastructure d'eau. Les changements climatiques, l'acidification des océans, il faut faire en sorte que peut-être qu'un moment donné, l'eau salée va monter jusqu'à Québec. Pas juste à marée montante, mais à marée tout le temps. C'est des choses... Et ça, il faudra ajuster nos infrastructures. Et si on veut se baigner à Lanceau-Foulon, il faut que M. Labeaume continue à se battre pour avoir plus d'argent, pour qu'il y ait moins de tuyaux. Des eaux usées de nos amis de céleri qui se retrouvent en face de la future plage. Mm-hmm, effectivement. Donc, il y a des investissements en infrastructure et notamment en infrastructure verte. Et pour le Québec, ça veut dire, entre autres aussi, près d'un milliard de dollars pour le transport en commun, ce qui est quand même pas rien. C'est pas suffisant pour assurer un vrai développement de nos réseaux de transport en commun, on s'entend, mais ça va permettre quand même d'améliorer les réseaux existants. C'est pas avec ça qu'on va, par exemple, prolonger la ligne bleue du métro de Montréal, comme c'est dans les cartons actuellement de la STM, mais... ça va venir bonifier, en fait, l'offre existante et s'assurer qu'on ait davantage accès. Il y a aussi une augmentation de l'investissement dans le logement social dans plusieurs éléments là, qui peuvent être considérés comme des mesures sociales. Et aussi, on vient bien sûr renforcer la recherche qui avait été tellement affaiblie sous les conservateurs. Alors, les chercheurs sont assez contents là, de ce budget qui vient vraiment renflouer la possibilité d'avoir une expertise scientifique intéressante au Québec, Canada. Puis ceux qui veulent travailler comme recenseur, je crois que le fédéral a ouvert des postes. Là. Vous pouvez aller sur le site de recensement ou Statistique Canada. Oui, Statistique Canada, appliquer comme recenseur, parce que là, on en revient à des vrais statistiques. Il faut d'abord ramasser les données avant de pouvoir les analyser, mais effectivement, on revient à un gouvernement qui est plus sensible aux sciences et moins au créationnisme, effectivement, comme dirait l'autre. Et les grands gagnants, si on veut, de ce budget, les grands, ceux qui peuvent se réjouir aujourd'hui le plus, je pense, de ce budget, c'est définitivement les peuples autochtones. Il était temps. Un réinvestissement massif auprès des communautés autochtones et ça ratisse large autant. Ça vise autant la santé, l'éducation, le logement, mais aussi la fameuse enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Donc, c'est 8,5 milliards, un peu plus de 8,5 milliards qui va être investi dans les communautés autochtones sur les 5 prochaines années, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Et ça va, comme on disait, tous les aspects de la vie des peuples autochtones. Est-ce que le NPD aurait pu faire mieux, finalement, avec toutes ces mesures progressistes? Ben, écoutez, on sait que le NPD s'était engagé pendant les élections à maintenir le déficit zéro. Donc, c'est sûr que sans déficit, à moins d'augmenter considérablement les revenus, il n'aurait pas pu faire ça. Un autre aspect intéressant que je pense qu'il faut mentionner, c'est le gouvernement, et ça transparaît tout le long du budget, en fait, le gouvernement souhaite davantage de transparence, autant en élargissant toute la question des données ouvertes, en donnant accès, dans le fond, à davantage de données, mais aussi en consultant beaucoup les gens. Donc, comment ça va se faire? Est-ce que ça va être des vraies consultations? On peut se le demander. Moi qui participe dans le cadre de mon travail à vraiment beaucoup de consultations fédérales sur les mines notamment, on est assez souvent déçus de la formule des consultations qui est utilisée. Mais bon, c'est quand même un pas dans la bonne direction. Et une des consultations qui va être mise sur place concerne un engagement qu'avait pris Justin Trudeau pendant la campagne électorale, qui consiste à réformer le mode de scrutin. Oui. Donc, promesse tenue en ce sens où le gouvernement investit près de 11 millions pour tenir des consultations pendant 2 ans sur une éventuelle réforme du mode de scrutin. Bon, c'est pas encore la réforme en tant que telle, ce sont des consultations, mais ça nous permettra tout de même C'est un sujet qui me passionne, Dominique, tu le sais. Oui, lorsque j'étais impliqué plus en politique, j'en étais quasiment une sorte de chien de garde et de porte-parole. Et effectivement, le député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, qui était mon député jusqu'à ce que je déménage récemment, eh bien, m'a pris la peine de m'inviter à son bureau pour m'en parler. Et ça semble être très sérieux qu'il y ait une commission itinérante qui fasse le tour du Canada. Et les gens pourront faire comme un peu l'esprit qu'on retrouve dans un BAP, les bureaux d'audience publique en environnement. Ben, il y aura possibilité pour les gens d'aller poser des questions à des commissaires qui viendront ici à Québec et peut-être pouvoir présenter un mémoire, de donner votre opinion. Est-ce que le mode de scrutin actuel, comme on dit, système uninominal majoritaire à un tour, ou dans un territoire géographique donné, il n'y a qu'un élu, est-ce qu'un mixte entre ça, une représentation géographique et une représentation proportionnelle, ou un système à deux tours, comme certains pays ont? Alors, ça sera le temps pour vous. Et pas besoin d'être un prof en sciences politiques, là. Votre opinion vaut autant qu'un prof, parce que de toute façon, au résultat, vous allez avoir un vote chacun, que vous soyez docteur en sciences politiques ou citoyen, auditeur de Grain de Sable, vous avez le même poids. Donc, moi, je vais vraiment vouloir suivre le dossier, si tu veux, Dominique, pour qu'on puisse encourager les gens, puisque on nous a promis que notre prochaine élection fédérale serait avec un nouveau mode de scrutin. Donc, si on veut que ça change, ça sera le temps de s'impliquer, puis je peux vous dire que moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Certainement qu'on pourra couvrir ça à l'émission. Ah oui, puis on invitera Joël Lightbone s'il n'est pas à Ottawa la fin de semaine pour bien qu'il vienne faire un tour de temps en temps. On ne peut pas passer sous silence dans le budget aussi, c'est important de le mentionner, l'engagement du gouvernement de lutter contre la planification fiscale agressive, l'évitement fiscal et l'évasion plusieurs fiscale. Plusieurs milliards là-dedans. Ben, en fait, pas des milliards, mais quand même c'est près de 800 millions qui sont dédiés à cette fin. Et je dirais que pour m'être penchée sur le budget provincial, on peut sentir quand même dans le phrasé, si je peux m'exprimer ainsi, de la description qui entoure les mesures qui sont mises en place, on sent une volonté plus forte, disons, de la part du gouvernement fédéral. On sait que, bon, 700 millions, c'est sans doute pas suffisant pour faire vraiment une grosse, grosse différence là en matière de lutte à l'évasion fiscale, à la planification fiscale agressive. Le gouvernement aurait pu renoncer à certains traités qu'il a avec des paradis fiscaux notoires et qui rendent cette chose possible. Il ne va pas jusque-là pour l'instant, malheureusement. Mais c'est quand même un pas dans la bonne direction qui va permettre, selon le budget, d'aller chercher près de 10 milliards de dollars de revenus supplémentaires. Mais une critique qu'on peut faire de ce budget-là, c'est que si la colonne des dépenses est bien garnie pour tout un chacun, notamment, si je pense d'un point de vue très égoïste, les prestations fiscales pour enfants vont être considérablement augmentées. Dans bien des cas, ça va doubler pour les familles. C'était une promesse électorale de s'adresser à la famille ou la classe moyenne. Et effectivement, on peut voir qu'on réduit. Les familles riches ne recevront plus de prestations fiscales pour enfants. Ces montants-là seront redistribués progressivement aux familles qui en ont besoin. Exactement. Et ce qui est quand même, on sait que ça a fait une grosse différence quand les prestations fiscales ont été augmentées au fil du temps. Ça a permis quand même d'aider beaucoup les familles. Et ça, je pense que c'est une excellente mesure. Mais par contre, la critique qu'on peut faire de ce budget-là, c'est que la colonne des revenus n'a pas été beaucoup augmentée, en ce sens que le gouvernement ne va pas jusqu'à taxer davantage les entreprises, abolir la taxe sur le capital, ce genre de mesures-là qu'on voudrait voir et qui permettrait d'aller chercher beaucoup d'argent pour le gouvernement. Malheureusement, c'est assez faible, à part peut-être justement l'intention de lutter plus agressivement contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal, mais ça demeure à travailler, cet aspect de la colonne des revenus. Et en environnement, juste parce que je vois qu'il y a des tendances mondiales, je ne sais pas si on les encourage. Est-ce que dans le budget, Dominique, on parlait de financer les énergies renouvelables? Parce qu'il y a un communiqué des Nations Unies qui nous rappelle que les énergies renouvelables attirent des investissements records au niveau mondial. Évidemment, c'est quand on compare 2015 avec 2014, on n'a pas encore les chiffres de 2016. Mais éventuellement, on verra aussi l'impact que l'accord universel de Paris pourrait provoquer, puisque c'est un des objectifs là, de laisser tomber de plus en plus graduellement, le mieux possible, les énergies non renouvelables pour des énergies renouvelables. Et donc, on nous dit que l'électricité produite à partir du charbon et du gaz a généré l'année dernière moitié moins d'investissements que ceux record générés par le solaire, l'éolien et autres énergies renouvelables. Mm-hmm. Une nouvelle étape significative parmi d'autres franchies par les énergies renouvelables annonce aujourd'hui un rapport des Nations Unies. Les pays en développement dépassent maintenant les pays développés en termes d'investissement, tandis que l'Europe est le seul continent où ils diminuent. On vous croirait le contraire, hein? Le 10e rapport annuel sur les tendances mondiales des investissements dans les énergies renouvelables du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNU, publié cette semaine par le Centre de collaboration Frankfurt School pour le climat, financement de l'énergie durable, en fait, indique que les investissements mondiaux réalisés dans les énergies renouvelables se sont élevés à 266 milliards de dollars en 2015. Ils ont représenté plus du double des investissements réalisés dans les centrales de charbon et de gaz qui sont estimés à 130 milliards, sans compter des milliers de sites de charbon qui sont fermés en Chine. On voit quand même quelque chose de bien. On est positif aujourd'hui, hein, Dominique? On dit que les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables atteignent un investissement, un niveau record, en fait, en 2015, dépassant de loin les investissements réalisés pour la génération de capacités électriques à partir de combustibles fossiles, et ce, en dépit de la baisse des prix du pétrole, du gaz et du charbon. Ces investissements touchent désormais une palette de plus en plus large de pays en développement, aidés par des coûts en forte baisse et par les avantages liés à une production d'électricité locale en substitution en matière première importée. Donc, est-ce que nous, on encourage ça dans notre budget, là? Bien, tout à fait. Les énergies renouvelables sont encouragées à hauteur de 86 millions. Ça inclut aussi l'efficacité énergétique parce que ça, c'est considéré comme les mégawatts. En fait, les mégawatts qui ne sont pas consommés sont considérés comme étant une forme d'énergie renouvelable aussi. Donc, à ce moment-là, il y a quand même un investissement intéressant. Il demeure qu'il y a des investissements auprès de l'industrie pétrolière et gazière de 50 millions. Donc, on ne rompt pas, malheureusement, avec le financement du pétrole et du gaz, mais cet investissement-là est dédié à les aider à développer des méthodes plus propres. Donc, dommage, là, mais... Même le Fonds vert du Québec sert à ça, mais on verra bien. Mais quand même dire que l'ensemble des mesures environnementales proposées par... mis à part la lutte au changement climatique, là, mais en plus de la lutte au changement climatique, ça totalise quand même plus de 2 milliards de dollars dans le fond. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'il y a plusieurs mesures inédites, comme notamment le fait de protéger 10 % des aires marines et côtières, ce qu'on attend depuis très longtemps. Oui. Donc là, il y a une enveloppe prévue pour ça. Et je ne sais pas si tu en as parlé, j'ai été un peu distrait parce que j'ai préparé une musique que je vais vous faire entendre qui va vous donner le sujet de notre prochain sujet après la pause commerciale. Je voulais savoir, parce qu'il y a une rumeur qui circule que Stéphane Guilbeault sera nommé à un poste très important. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Absolument pas. Mais c'est parce qu'il était prévu à la soirée des sages le 27 mai prochain ici à Québec au projet Écosphère, la plus grande foire environnementale qui se fait au Québec, se fera pour la première fois à Québec du 27 mai au 29 mai. Et normalement, le 28 au soir, il y a une soirée des sages. On réunit des gens que... les noms que vous connaissez, je vous ai invité, mais il y avait prévu Stéphane Guilbeault, puis là, Éric Ferland, qui est le fondateur de ça, me disait, Jean, as-tu des idées d'autres conférenciers? Parce que Stéphane Guilbeault est obligé d'annuler toutes ses conférences qu'il avait faites parce qu'il vient d'être nommé à un comité, où ça va être connu prochainement, un comité qui va vouloir chapeauter tout ce qui se fait en environnement et les investissements qu'on pourra faire dans le futur et probablement en lien avec les promesses électorales et les promesses qu'on a signées à Paris et qui seront entérinées le 22 avril prochain à New York en présence de tous les chefs d'État. On attend un nombre record de participants pour entériner l'accord universel de Paris qui a été adopté à la COP21 en décembre dernier. Donc, il y a quelque chose de gros qui se prépare. On voit tout ça dans le budget, là, qu'il y a de la coopération, quelque chose de gros qui sera annoncé, de coordonner tous les groupes environnementaux au Canada? Ah, j'ai pas vu, j'ai rien vu de tel. C'est caché à quelque part, là. C'est possible. We feel alone, the middle class.

Chanson très, très sympathique, ouais. Je trouve, a été produite par les supporters de Bernie Sanders, ce candidat aux primaires démocrates aux États-Unis. Faut en rire, parce que je pense qu'on pourrait même en pleurer ce qui se passe chez nos voisins du Sud. C'est de loin, je suis pas une spécialiste de la politique américaine, cependant, c'est la première fois, je dirais, où je m'y intéresse d'aussi près, parce que c'est quand même spécial ce qui est en train de se passer. D'une part, il y a ces primaires démocrates entre Hillary Clinton, ancienne secrétaire d'État, qui est aussi la sénatrice de l'État de New York, qui est pressentie favorite, en fait, ouais, qui est supportée par le plus grand nombre de médias aussi, ce qui n'est pas pour lui nuire. Donc, c'est Mme Clinton qui, dans le fond, est en avance en ce moment. Quand même talonné de près par Bernie Sanders, ce sénateur du Vermont, très progressiste, progressiste de longue date aussi. C'est quand même un senior, là. C'est un monsieur qui est au Sénat américain depuis très, très longtemps. Il était quand même assez âgé, là. Il a 75 ans. Mais c'est un monsieur qui ne mâche pas ses mots et qui, quand même, arrive à fédérer le mécontentement d'une bonne partie de l'électorat américain qui sont totalement désabusés de la avec raison, un peu comme une partie de la population ici au Québec de la politique telle qu'elle est menée par l'establishment de leur pays. Et Bernie Sanders, avec son franc-parler, son ce qu'on pourrait appeler, sans que ce soit péjoratif, une forme de populisme de gauche, en fait, qui est capable d'expliquer très, très clairement et sans prendre de détours, sans tomber dans la langue de bois, les vrais enjeux actuels, qui n'hésite pas à nommer les choses, à nommer les problèmes structurels aux États-Unis, notamment le fait que les entreprises puissent financer les candidats avec aux élections. Avec des think tanks, avec des... d'ailleurs, ils ont créé une loi, mais finalement, elle était facilement contournée en donnant la permission à des organismes de charité de pouvoir financer des candidats. Donc, on ne finance pas directement un candidat aux États-Unis parce qu'il y a une loi qui l'interdit, mais on peut aller avec des ramifications données à des organismes, okay. Des fondations quelconques. Les fameux super PACs. Les super PACs. Oui, ouais. Voilà. C'est ça. Donc, Bernie Sanders n'hésite pas à décrier autant la politique étrangère américaine. Il s'est opposé à la guerre en Irak dès les débuts. Il est critique de Wall Street. La Banque fédérale, les réserves fédérales. Effectivement, il présente, en fait, et il veut un réinvestissement massif dans l'éducation pour réduire la dette étudiante qui est faramineuse aux États-Unis. On le sait, c'est... Ce que Trudeau a fait cette semaine, il voudrait bien le faire lui aussi. Mais je pense que j'ai l'impression que Bernie Sanders n'hésiterait pas à être beaucoup plus, proactif là, dans ce réinvestissement. Mais quelles sont ses chances là, de surpasser Mme Clinton? Plus ça avance, moins ses chances augmentent. En fait, ce qui se passe, c'est que à l'heure actuelle, Hillary Clinton a gagné 20 États. Et Bernie Sanders en a 12. Oui, mais le nombre de délégués devient plus important. Elle a 1223 délégués, alors que Bernie Sanders en a 920. Et elle a un certain nombre... Il y a un certain nombre de délégués qui sont considérés comme indécis ou qui font partie des super délégués qui, eux, penchent plus pour l'instant du côté d'Hillary Clinton. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que, à l'heure actuelle, au mois de mars, en fait, jusqu'au 15 mars, Hillary Clinton a gagné vraiment un grand nombre d'États et ce sont les États qui lui sont le plus favorables. Ce sont les États du sud des États-Unis et de la côte est principalement. Parce que la Californie doit avoir beaucoup de délégués, comment? La Californie est un État majeur qui pourrait faire changer la donne. Ouais. Et les États, selon un grand nombre d'analystes, autant de droite que de gauche, les États qui restent sont des États qui sont beaucoup plus pro-Bernie Sanders. Donc, gains faciles pour Hillary Clinton ont déjà été faits. Ce qui reste, ce sont des combats beaucoup plus serrés. Alors, ça pourrait... Tout est encore sur la table, sachant que les primaires démocrates se terminent le 14 juin et qu'il reste encore un grand nombre d'États qui n'ont pas pris leur décision. Tout est encore possible pour Bernie Sanders. Il ne faut pas sous-estimer le sénateur du Vermont. Mais est-ce que Sanders aurait plus de chances de battre Donald Trump? C'est effectivement ce que les sondages démontrent. Ah bon? Écoutez, Hillary Clinton, malheureusement, même si elle a adapté son discours à la course aux primaires démocrates contre Bernie Sanders, son discours est davantage à gauche que ce qu'il était auparavant, parce qu'elle a vu que Sanders est en train de ratisser dans son jardin, dans son électorat, tout à fait. Mais malgré tout, elle fait partie de l'establishment. Elle a des positions près de Wall Street, très près de Wall Street, très en phase avec ce que le Parti démocrate est depuis de nombreuses années et qui est critiqué par sa base militante et qui fait en sorte que le cynisme de la population est très très important. Mais le fait qu'elle puisse devenir la première présidente, ça fait pas pencher un peu plus de son bord? Parce que c'est quand même historique là, qu'elle puisse devenir la première femme présidente. C'est certain qu'il y a un aspect historique. Ça peut l'aider comme ça peut lui nuire. On sait qu'il y a quand même un sexisme rampant qui demeure aux États-Unis comme ici, mais sans doute peut-être un petit peu plus présent encore aux États-Unis que ça l'est au Québec, en tout cas. Donc, il y a ça, ça peut l'aider. Elle est associée, la famille Clinton quand même, elle bénéficie aussi de ce nom qu'elle porte, mais aussi c'est quand même une femme qui a une expérience très, très importante. Elle a été secrétaire d'État, elle a occupé très hautes fonctions au gouvernement, donc elle est... 8 ans à la Maison-Blanche, déjà, c'est la meilleure formation que tu peux avoir, peu importe ce que tu fais. Même si tu passes juste le ménage. Mais c'est une femme qui a une expérience politique indéniable et qui est sans doute la candidate la plus expérimentée dans ce sens. Qu'on n'a jamais eu, là. Son mari n'avait pas cette expérience-là. Effectivement. Quand on parle du nombre de fonctions différentes qu'elle a occupées au sein du gouvernement. Bernie Sanders, de son côté, ça a été un candidat indépendant. Il est maintenant parti démocrate, mais c'est relativement récent. Toute sa vie, il a été élu comme indépendant. Et il a obtenu de nombreux gains, il faut le savoir, au Sénat américain, parce que c'est un excellent conciliateur. Il est négociateur aussi. Il a réussi à négocier des choses autant avec les républicains qu'avec les démocrates pour faire passer dans des projets de loi des éléments qui lui paraissaient incontournables. Donc, il a su se servir de son vote qu'il pouvait donner pour faire des gains. Et ça a été même salué par... Le New Yorker, qui est quand même un journal qui est pro Hillary Clinton, ils ont quand même souligné dans une chronique éditoriale les gains qu'a fait au fil du temps Bernie Sanders et qui sont pas négligeables. Mais parlons de Trump contre Trump, parce que je pense que le pire ennemi de Donald Trump, c'est lui-même. C'est Donald Trump lui-même, bien sûr, mais c'est aussi son meilleur ami. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, et pourquoi Bernie Sanders, parce qu'on était parti de ça, Bernie Sanders a-t-il plus de chances de battre Donald Trump? Justement, parce qu'il a cette même capacité à donner de l'espoir aux gens, en ce sens qu'il leur parle des vraies affaires, j'ai envie de dire. C'est pas un terme très, très joyeux ici au Québec, mais en fait, il dépasse la langue de bois et il ose nommer les vrais problèmes, ce qui est vraiment rafraîchissant pour l'électorat américain. C'est ce qui draine des gens, des supporters de Trump aussi. Tout à fait, c'est la... Les gens qui n'aiment pas les politiciens et la politique vont aimer Trump et vont aller voter pour lui. Tout à fait. Et en fait, Donald Trump, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un homme d'affaires, c'est un homme qui n'a pas la langue dans sa poche. Il est peu articulé. C'est un homme qui s'exprime. Certains chroniqueurs ont qualifié sa façon de s'exprimer comme étant équivalente à celle d'un enfant de quatrième année, en ce sens qu'il n'a pas un vocabulaire riche. Il fait pas des phrases très très faciles à comprendre, très très articulées. Il saute souvent du coq à l'âne dans les conversations aussi. Et il semble pas avoir une culture générale très, très étoffée non plus, notamment en ce qui concerne la politique étrangère. Oui. Et On se demande si vraiment il est conseillé ou s'il tient compte de son équipe qui le conseille, parce que c'est assez spécial ce qui peut sortir des fois. Et il a tendance aussi à changer souvent d'idée. Donc, il se positionne sur un aspect et quelques jours plus tard, il peut dire le contraire. Donc, mais il a une façon, il est disons, il est très habile dans son sens du spectacle. Il a une façon de dynamiser les foules en tablant malheureusement sur la peur, en faisant en sorte, en proposant des éléments, en se servant de boucs émissaires, notamment, on pense... aux Mexicains, à l'immigration latino-américaine aux États-Unis, qui est un de ses gros morceaux. Puis, une de ses amies, je dirais, je pense pas qu'ils se connaissent, mais une de ses amies idéologiques est venue nous visiter à Québec. Est-ce qu'on peut faire un lien facile, en tout cas moi je le fais, entre Trump et Marine Le Pen, qui est venue nous vendre la francophonie dimanche dernier, à peu près à cette heure-ci, non, plutôt aux environs d'11 heures, mais je pense qu'elle était encore en conférence de presse à 1 heure la semaine dernière, ici à l'Hôtel Marriott à Québec, à Place Duhauville. Elle est venue dire « Mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir pour moi que de me trouver ici à Québec ce 20 mars afin de fêter la Journée internationale de la francophonie, également date anniversaire de la création de l'Organisation internationale de la francophonie à Niamey en 1970. Pourquoi ai-je choisi de me rendre à Québec? » On l'a jamais entendu parler. Mais on va vous le dire après ça, on commentera. Elle est venue à Québec pour... en fait, célébrer la Journée internationale de la francophonie et nous dire qu'elle était pour l'union commerciale entre tous les pays francophones, alors qu'elle venait de dire qu'elle était membre d'une délégation de députés européennes, et c'est à ce titre-là qu'elle venait. Elle était membre d'une délégation européenne qui venait dire qu'ils sont contre le libre-échange entre l'Europe et le Canada. Et en nous exprimant des valeurs rapprocher de l'extrême gauche. Donc moi, j'ai posé la question, j'ai dit, vous en train de nous dire, Mme Le Pen, que l'extrême gauche rejoint l'extrême droite dans certaines circonstances, et c'est là qu'elle a répondu qu'elle se confondait avec Charles de Gaulle et qu'effectivement, elle était pour le Québec libre et tout ça. Comment réagis-tu à ça, Dominique? Écoute, Jean, c'est pas si surprenant que ça. Et d'ailleurs, Donald Trump, lui aussi, est opposé au partenariat transpacifique, est assez critique de Wall Street. Donc, on peut y voir des positions progressistes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que autant Marine Le Pen que Donald Trump, même si, bon, il y a des différences culturelles importantes, Mme Le Pen est quand même articulée, elle maîtrise l'art du débat, c'est une Française, elle est une personne intelligente quand même aussi. Et je salue Anne-Marie Dussault qui s'est faite planter, mais pas à peu près. Je pense que son émission pourrait être mise en question. Drôle d'entrevue, effectivement. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sous des apparences de progressisme, c'est un repli identitaire que ces gens-là prônent. On sait que Donald Trump propose en fait un badge pour identifier les musulmans, ce qui, juste d'y penser, me donne personnellement des frissons d'horreur. Faut très peu connaître l'histoire pour ne pas trouver cette proposition scandaleuse. Ça vous rappelle pas l'étoile qui était apposée sur les Juifs, en fait, durant la Deuxième Guerre mondiale. Le parallèle est assez facile à tracer. Madame Le Pen, elle propose des mesures qui paraissent progressistes. Elle s'est beaucoup rapprochée, en fait, elle essaie de se rallier une base de jeunes qui sont assez dégoûtés, en fait, par la politique faite par le Parti socialiste, des jeunes qui auraient tendance à voter front de gauche, mais qui vont trouver chez le Front national, disons, des idées qui leur plaisent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sous des apparences progressistes, c'est un progressisme qui ne s'adresse qu'aux Français de souche. C'est un progressisme qui est refusé aux immigrants, qui ne bénéficieraient pas des mêmes droits. Donc, on parle de créer deux catégories de citoyens. Et M. Trump propose exactement la même chose avec les immigrants aux États-Unis. Donc, on propose de faire en sorte que, notamment, en France, ceux qui n'ont pas la nationalité française, qui sont simplement résidents permanents, si on veut, n'aient pas accès au logement social, ou en tout cas qu'ils passent en deuxième par rapport aux nationaux. Même chose pour l'emploi, ce qui est assez incroyable, c'est de la discrimination positive inversée, donc c'est de la discrimination en tant que telle, discrimination à l'embauche, discrimination au logement, et aussi faire en sorte de renvoyer les immigrants dans leur pays s'ils ne trouvent pas d'emploi assez vite en France. Donc, ce sont des mesures qui sont très peu progressiste en ce sens où on ne peut pas proposer des mesures sociales et se dire progressiste si elles ne s'appliquent pas à l'ensemble de la population et notamment aux couches de la population qui sont les plus vulnérables. En ce sens-là, c'est important de... On souhaite à nos compatriotes français et américains de ne pas tomber dans le panneau, de voir plus loin que ces mesures-là et de voir que tant M. Trump que Mme Le Pen ne ciblent pas les vrais enjeux et ne ciblent pas les vrais responsables de la dégradation sociale et économique de leur pays. Ils s'attaquent aux plus vulnérables de la société pour faire passer leur message et c'est vraiment déplorable. Oui, c'est ce qu'on appelle du populisme à l'extrême. Donc, merci beaucoup. La démagogie. voilà. Mais moi, tout ce que je retiens, en fait, là, en tant qu'ancien étudiant en journalisme, c'est que ce que j'ai assisté à la conférence de presse de Mme Le Pen, puis son discours, c'est vrai qu'elle est une séduisante, puis elle a, bon, oublions ce côté, mais ce que j'ai vu dans les journaux après, dans les médias, à la radio, c'est tellement différent, là. Ça m'a tellement déçu. C'est rare que je vais à des conférences de presse, mais je suis pas prêt d'y retourner quand je vois tout le dérapage, puis les enjeux qui auraient pu être débattus en présence de Mme Le Pen, ben, ils l'ont pas été. On n'a que parlé d'immigration. Finalement, tous les autres sujets, que ce soit le libre-échange ou autres sujets que tu as abordés, ont été auscultés. Donc, je salue les journalistes qui parlent des vraies affaires comme nous autres. Oui, effectivement, mais en fait... Ce qui me frappe le plus, c'est l'hypocrisie de nos gouvernements qui n'hésitent pas à rencontrer, à serrer la main au prince saoudien, par exemple, ou à tous les dictateurs du monde. Puis tout à coup, jouent les vierges effarouchées face à une potentielle future présidente de la France, personnellement, je ne souhaite pas, mais bon. Donc, Elle a gagné toutes les dernières élections. Elle sera certainement au deuxième tour des présidentielles prochainement. Donc, on verra bien si elle aura à supporter l'indépendance du Québec, qui est vraiment dans le spectre assez loin dans notre monde politique actuel. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Afin de demeurer compétitif, tout entrepreneur doit s'adapter à un monde en constante évolution. Le Copilote réunit sous un même toit des professionnels de plusieurs disciplines désireux de mettre à profit leur expertise. Que ce soit dans les domaines de la gestion de la structure d'entreprise, ressources humaines, communication et marketing, technologie, comptabilité et juridique. Le Copilote accompagne les entreprises dans leur croissance, en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez lecopilote.ca pour connaître tous les services offerts ou écoutez l'émission Entraîne ta fibre animée par François Bégin et Jessica Schooner les mardis 9h sur CKRL. Le Copilote, un atout de taille pour votre réussite. Nouveau à Lévis, la garderie sportive Les Petits Champions vous offre un milieu de vie adapté à vos horaires 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Notre devise, un esprit sain dans un corps sain. Vos bouchous pourront s'amuser toute la journée et bouger puisqu'ils auront accès à un grand gymnase. Vous avez besoin d'un petit répit? Pour quelques heures, de jour comme de nuit, de semaine ou de fin de semaine, profitez du service de garde occasionnel disponible pour les 0 à 12 ans à partir de $4.10 de l'heure. Informez-vous sur petitchampion.com. Objectif, $40,000. Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Faites un don de $20 et plus ou procurez-vous votre carte de membre de $25 avant le 1er avril 17h et vous pourriez gagner le prix spécial pré-radiothon de $150 de la boutique Le Pédalier et le prix spécial Membership, un panier de certificats cadeaux d'une valeur de $200. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30